Il est 8h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal+. Le président de Canal+, au nom de toute l'équipe, souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision. La bonne parole du crypté, car mes frères, en vérité, je vous le dis, il y a une vie après le clair. Le premier jour, il n'y avait rien. Le second jour, vint le crypté. Puis le code et le décodeur. Le sixième jour, le premier samedi du mois, à minuit, vint le porno. Le septième jour, il se reposa toute la journée. Alors écoutez, pour cette émission absolument improvisée, nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. Vous êtes bien gentils, merci d'avance. Appuie-moi le directeur. Nous sommes cernés par des dépressions, mais notre pays résiste encore. On doit cette résistance, il faut les en remercier, à de hautes pressions qui protègent la France. Vous êtes là, confortablement installé dans votre fauteuil, un regard distrait sur l'écran de votre téléviseur, une main sur la télécommande. Vous êtes là, à rêvasser à la petite journée de zapping qui s'annonce. Chapman. Fatale erreur. Tout de suite, donc, quelques performances. On vous sera prévenu. Use your eyes. Bonsoir, chers amis téléspectateurs, et voici le Pipo Bimbo. Pipo Bimbo. Excuse me. You fuck my wife! Trompette! Dommage, Yann! Dommage, Yann! Dommage, Yann! Dommage, Yann! Dommage, Yann! Merci, Yann! Bonjour, les guignols sont en vacances, mais vous les apercevrez quand même dans quelques instants côté coulisses. En effet, en attendant leur retour, nous vous proposons un spécial canal avec ceux et celles qui font et animent les programmes. Ah, ils se bouffent, et la choucrave la veste à truquer. Magnifique, ils étaient tous là, je les avais reçus dans Champs-Élysées, souvenez-vous. Ils étaient la joie, ils étaient la vie, ils ont tous travaillé ici. Avec nous, on les salue, on les oubliera pas, jamais. Formidable, souvenez-vous. Ça faisait littéralement une éternité, Chantal. On peut le dire, depuis fin 1987, il ne nous avait pas rendu visite. Il faut dire qu'il est en ce moment en train de faire une immense tournée mondiale et qu'il nous fait l'honneur de temps en temps de faire une escale à Paris pour rendre visite à nulle part ailleurs. Vous l'avez deviné, il s'agit, mesdames, messieurs, de Mizou Mizou. Mizou, quel accueil. Merci. J'ai beaucoup de sens avec mon public. Hein. Mizou, alors, on peut peut-être rappeler la règle du jeu. Vous savez que Mizou, donc célèbre pétomane, va interpréter un air du top 50 que vous allez devoir reconnaître. Si vous pensez reconnaître cet air, vous levez la main très haut et vous criez Prout. Bravo. Pas deux, hein. Et on gagnera un magnifique ensemble stéréo. La touche des. Bravo. Merci. Alors, Mizou, vous allez rejoindre gentiment votre tabouret, doucement, parce vous mettre en place. Machine. Détendez-vous, oui. Relâchez-vous bien. 1, 2, 3. Oh. Ah, y a un coup. Mizou. Ah, il ne peut pas s'arrêter. Voilà. À bientôt, public. Au revoir, monsieur.